بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Le sujet ce soir portera sur une règle parmi les règles de l'islam qui est al-jaza min jins al-amal, qui signifie, al-jaza signifie la rétribution. Min jins al-amal signifie que la rétribution est en fonction de la nature des œuvres. Autrement dit, celui qui fait du bien verra les conséquences de ce bien, tandis que celui qui fait du mal verra les conséquences de ce mal. Cette règle-là, al-jaza min jins al-amal, s'appuie sur énormément de preuves du Coran et de la Sunna. Nous allons donc voir des exemples de cette règle concernant les conséquences qu'engendrent nos actes et leur rétribution aussi bien fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà, que fil dunya, dans ce bas monde. Que ce soit dans notre relation vis-à-vis d'Allah, azza wa jal, que de notre comportement avec les gens. En effet, nos actes rythment notre vie. Donc c'est à nous de faire qu'il soit en notre faveur et non pas en notre défaveur. Nous allons commencer par citer des preuves des conséquences de nos actes dans l'au-delà, fil akhira. Qu'al Allah Ta'ala fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba huda fala yadhillu wa la yashqa. Si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne sera point égaré ni malheureux. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Tandis que celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. En méditant ce verset, nous voyons que celui qui a, la personne qui a fermé les yeux sur la vérité dans ce bas monde, qui s'est aveuglé, sera ramené aveugle au rassemblement. Al-jaza min jins al-amal. La rétribution est en fonction de la nature des œuvres. Il a fermé les yeux sur la vérité, c'est aveuglé dans ce bas monde, il sera amené aveugle au rassemblement. قال الله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nos signes te sont venus et tu les as oubliés. Ainsi, aujourd'hui, tu es oublié. Comme cette personne-là les a oubliés dans ce bas monde, في الآخرة, dans l'au-delà, il sera oublié. الجزاء من جنس العمل. La rétribution est en fonction de la nature des œuvres. Il sera oublié, délaissé. وقال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها عقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Allah عز وجل parle des damnés, des gens de l'enfer, des gens de l'enfer. Il dit qu'ils n'y goûteront ni fraîcheur ni boisson. C'est-à-dire rien qui puisse rafraîchir leur peau et désaltérer leur soif. إلا حميما وغساقا. Autre que de l'eau bouillante. De l'eau bouillante qui brûlera leur visage et leur coupera les boyaux. وغساقا. Et du pu à titre de rétribution de leurs œuvres. En arabe, جزاء وفاقا. En rétribution de leurs œuvres. Donc si ces gens-là ont mérité ces punitions épouvantables, c'est en raison de ce qu'ils ont commis comme œuvre et actes impliquant le châtiment adéquat, c'est-à-dire en fonction de leurs œuvres. Allah n'a pas été injuste envers eux. Ce sont plutôt eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a mentionné leurs actes à travers lesquels ils ont mérité cette rétribution. C'est ainsi que tu vois que celui qui ne croit pas à l'akhirah n'a aucun frein. Il n'a aucun frein car il ne se rend pas compte des conséquences de ses œuvres. فالجزاء من جنس العمل. Un hadith rapporté par Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. » Celui qui aime à rencontrer Allah, Allah aime à le rencontrer. « Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. » Tandis que celui qui répugne à rencontrer Allah, Allah répugnera à le rencontrer. « Faljaza min jins al-amal. » Celui qui aime à rencontrer Allah, cela le poussera à œuvrer en bien. Tandis que celui qui répugne à rencontrer Allah, cela ne fera qu'augmenter son mal et l'éloigner d'Allah Azza wa Jal. « Faljaza min jins al-amal. » Un autre exemple, celui qui se suicide. Vous savez que le suicide est interdit en islam. Et il y a un hadith qui dit que celui qui s'est tué en se jetant du haut d'une montagne, dans ce bas monde-là, se verra jeté du haut d'une montagne, fil akhira. Il ne cessera d'être jeté d'une montagne. Et il y demeurera éternellement. Et celui qui a voulu se tuer avec en prenant un poison, il se verra garder ce poison-là dans la main et l'avaler sans cesse, fil akhira. خالدان فيها أبدا يعني مخلدا فيها أبدا il y demeurera éternellement. Et celui qui se tue au moyen d'un instrument tranchant comme un couteau, une hache ou autre se verra se frapper sans cesse le ventre avec في الآخرة فالجزاء من جنس العمل. Cette personne a voulu mettre un terme, peut-être elle s'est dit qu'elle va se suicider, elle va mettre un terme à ses soucis, et ben elle va avoir un châtiment continu. الجزاء من جنس العمل. La rétribution est en fonction de la nature des actes. Un autre exemple concernant sidq, la véracité. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alaykum bisidq. An-nabi sallallahu alayhi nous dit ani soyez véridique. Accrochez-vous à la véracité. Fa an-sidq yahdi ila al-birr. Car la véracité guide à la piété. Wa an-birr yahdi ila al-janna. Et la piété guide au paradis. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Et la personne ne cesse d'être véridique. Et elle cherche, elle œuvre, elle fait tout pour être véridique. D'accord? À tout prix, elle cherche la vérité et à ne dire que la vérité. Jusqu'à qu'elle ne soit inscrite auprès d'Allah comme étant siddiqa. Yani, très véridique. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le kadhib. Il nous dit prenez garde au mensonge. Fa'inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Car le mensonge mène à la perversité. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Et la perversité mène en enfer. Wa ma yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadhaba. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim. Et la personne ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à que ne soit inscrite auprès d'Allah comme étant grand menteur, kadhaba. Donc, si tu veux être inscrit auprès d'Allah comme étant parmi les véridiques, ne dis que la vérité. D'accord? Ne mens pas sur les gens. Ne dis pas telle personne a fait cela, cela, alors que ce n'est pas vrai. Ne dis pas telle personne a dit cela ou cela, alors que ce n'est pas vrai. Et parmi les conséquences atroces et néfastes de celui qui ne veille pas la vérité, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala fi mu'min ma laysa fihi. Celui qui dit sur un croyant quelque chose qui est contraire à la vérité, Allah le fera séjourner fi radrat al-khabal, qui est le puits des gens de l'enfer. Donc, celui qui ment sur un croyant aura cette rétribution-là. Al-jaza min jins al-amal. Comme cette personne-là a voulu manger de la chair de son frère dans ce bas monde, Allah lui a donné en rétribution le pu des gens de l'enfer. Cheikh Yahya, hafidhallahu wa ta'ala, a dit dans ce hadith-là, qui est passé dans Al-Jami' al-Sahih, un livre que nous étudions ici à Dammaj, de Cheikh Mokbel, elle a dit, en commentaire de ce hadith-là, « Hadha min adillat tahari al-haq. » Ce hadith-là fait partie des preuves concernant Tahar al-Haq, comme nous l'avons dit, du fait de chercher, de veiller à tout prix à dire la vérité et ne suivre que la vérité. Et il a dit, dans un de ses livres, « لو قلت في فرعون وفي أبي لهب وفي أبي جهل لوطة لكان ظلما وكذبا » Si je disais de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, ou de Abu Lahab, ou de Abu Jahl, qu'ils étaient des Louta, c'est-à-dire des homosexuels, la kana dhulman wa kadhiban. Cela serait de l'injustice et du mensonge. Donc méditez bien, Shariha dit cela à propos de Pharaon, Tawhid, Kafir, qui sont tous mécréants. Bien pire, il a yani, appelé les gens à l'adorer, il s'est prétendu être une divinité. Il dit ça, yani, si je disais quelque chose de faux sur lui, ce serait l'injustice. Donc que dire sur celui qui ment sur un croyant, sur un musulman? Donc à nous de prendre garde à tout ce qu'on dit et de bien poser nos mots. Un autre exemple concernant As-Sirat. As-Sirat, Yawm al-Qiyama, il y aura un Sirat, c'est-à-dire un pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Les croyants traverseront le pont, certains en un clin d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair, du vent, d'un oiseau, des meilleurs chevaux et chameaux. Certains seront saufs, et d'autres échapperont, même s'ils auront subi des écorchés orientaux, car il y aura des crochets situés au bord du Sirat, des crochets et des pinces qui accrocheront les gens selon leurs actions, et d'autres enfin échoueront en enfer. Et nous avons un Sirat ma'nawi, un Sirat qui signifie en arabe une voie, un chemin, qui est ma'nawi, c'est-à-dire que tu ne vois pas, c'est le fait de s'accrocher au Coran et à la sunna, selon la compréhension des salafs. Donc, la fermeté que tu auras sur le sirat, yawm al-qiyama, dépendra de ta fermeté à t'accrocher au Coran et à la sunna fi dunya. Al-thabat ala al-sirat al-hissi bi hasab al-thabat ala al-sirat al-ma'nawi. Et également, la rapidité qu'aura la personne sur le sirat, yawm al-qiyama, dépendra de la rapidité avec laquelle elle a obéi à n'importe quel précepte d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutons que la faculté qu'elle aura à échapper aux crochets, aux pinces qui se trouvent au bord du sirat pour écorcher les gens, comme nous l'avons dit, et les faire tomber en enfer, dépendra de la faculté qu'elle a eue à échapper aux passions et égarements dans ce bas monde. Donc accroche-toi fermement au Coran et à la Sunna maintenant, dès maintenant, fid dunya, et obtempère le plus rapidement aux ordres d'Allah Azza wa Jal si tu veux traverser rapidement le Sirat, et écarte-toi des passions égarements et hautes si tu ne veux pas te faire écorcher sur le Sirat. En résumé, la voie que tu empruntes fid dunya sera concrétisée sur le Sirat yawm al-qiyama. Nous allons maintenant attirer l'attention sur un point très important. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Azza wa Jal dit, celui qui fait le poids de la plus petite fourmi de bien le verra, tandis que celui qui fait le poids de la plus petite fourmi de mal le verra. Et j'attire l'attention sur le fait que j'ai traduit intentionnellement « dharra » par « petite fourmi » et non par « atome » comme on peut le trouver dans les traductions. Car « dharra » en arabe signifie « la petite fourmi ». Et ceux qui disent qu'il signifie l'atome, Shir ibn Uthaymeen dit que cela est une erreur, comme dans son explication de Kitab Tawhid. Et c'est également le sens qu'on a donné Ibn Kathir dans son tafsir et d'autres comme Mufassirun. Donc nous avons dit que celui qui fait le bien d'une plus petite fourmi de bien le verra, et celui qui fait le poids d'une la plus petite fourmi de mal le verra. Là, le point sur lequel nous attirons l'attention est que certains s'imaginent que cette règle-là, c'est-à-dire que la rétribution selon le bien ou le mal commis, est restreinte à l'au-delà. On ne verra cela qu'en dans l'au-delà. Non, cela n'est pas juste. Plutôt, c'est valable aussi bien dans l'au-delà, comme nous l'avons vu, que dans ce bas monde. Ainsi, tu verras les conséquences et les répercussions de tes actes dans ce bas monde également. Taïb, à titre d'exemple, Sa'ad ibn al-Musayyib disait « Inni ara akhta'i fi khuluqi dabati ». Sa'ad ibn al-Musayyib dit « Je vois les conséquences de mes péchés dans le comportement de ma monture. Donc Sa'id ibn Musayyib, s'il était amené à faire un péché, il voyait cela dans le comportement de sa monture. Et cela est fi dunya dans ce bas monde-là. Citons des exemples concernant l'adoration. Dans le Sahih al-Bukhari, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'il rapporte de son Seigneur, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أرولا. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui à la hâte. Donc الجزاء من جنس العمل, la rétribution est en fonction de la nature des actes. Celui qui se rapproche d'Allah, Allah se rapproche de lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui à la hâte. Un autre hadith dans le même sens, rapporté par l'imam Ahmed, يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. يا ابن آدم, c'est-à-dire ô enfant d'Adam, قم إلي, lève-toi devant moi, أمشي إليك, je viendrai vers toi en marchant. C'est Allah qui dit cela. وامشي إلي, viens vers moi en marchant, أهرول إليك, je viendrai vers toi à la hâte. Et à l'opposé, médite bien ce hadith rapporté par Abi Waqid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans film Mejid, بينما هو جالس في المسجد والناس معه, les compagnons étaient avec lui. إذ أقبل ثلاثة نفر, trois personnes sont venues. فقبل اثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, deux sont venus vers le prophète صلى الله عليه وسلم. وذهب واحد, et la troisième personne est partie. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرى فرجة في الحلقة فجلس فيها. L'un d'entre eux a vu une place libre dans l'assise, donc il est venu, il s'est assis. وأما الآخر فجلس خلفهم. Quant au second, il est venu, il s'est assis derrière eux. وأما الثالث فأدبر ذاهبا. Quant au troisième, il a tourné le dos et est parti. فلما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم a terminé son discours, il a dit ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. Je vais vous informer du cas de ces trois personnes-là. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه. L'un d'entre eux à chercher refuge auprès d'Allah. Donc Allah le lui accorda. Al-jaza min jins al-amal. La rétribution est en fonction de la nature des actes. Wa amal akhar fastahya. Fastahya Allah min. Le second a été pudique. Il ne s'est pas rapproché. Donc Allah a eu de la pudeur à son égard. Al-jaza min jins al-amal. Il a été rétribué en fonction de son acte. Wa amal akhar fa'agharada. Quant au troisième, il s'est détourné, donc Allah s'est détourné de lui. Al-jaza min jins al-amal. Celui qui se détourne d'Allah, Allah se détourne de lui. En résumé, celui qui se rapproche d'Allah, Allah se rapproche de lui, comme nous l'avons vu dans le premier hadith. Quant à celui qui se détourne d'Allah, Allah se détourne de lui. Donc toi, lorsque tu entends le rappel d'Allah, ne te détourne pas. Écoute, lorsque tu entends des versets du Coran ou des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou un cours, ou une conférence, écoute, tends l'oreille. Allah te guidera, inshallah. Et là, quelqu'un pourrait poser la question, comment se rapprocher d'Allah azawajal? Nous lui dirons que yani, cela se fait tout d'abord par l'accomplissement des obligations, salawat al-khams, les cinq prières, le jeûne de Ramadan et la zakat et tout, puis par les actes surérogatoires, an-nawafil, comme jeûner par exemple trois jours dans le mois, ou le lundi et le jeudi, ou faire les prières surérogatoires, c'est-à-dire les prières autres que les cinq prières obligatoires en plus, comme est venu dans le hadith d'Abi Hurayra. Et donc si tu te rapproches d'Allah, Allah t'accordera la réussite et te guidera dans tous tes faits et gestes. Dans tout ce que tu entends, yani, tu n'écouteras que ce qu'Allah agrée. Tu n'écouteras pas de musique. Tu écouteras du Coran, du rappel d'Allah. Dans tout ce que tu vois, tu ne tourneras pas ton regard vers des choses illicites, muharrama. Et dans tout ce que tu fais, Allah t'accordera yani, la faculté de faire, d'œuvrer dans le bien. Et également, là où tu vas, il ne te fera pas aller dans des endroits illicites. Il te fera plutôt aller au masjid ou, d'accord, des endroits de bien. Un autre exemple concernant قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل dit oh vous qui avez cru, si vous secourez Allah, Allah vous secourra. C'est-à-dire, si tu secours la religion d'Allah, Allah te secourra. Et fait partie de min nusratillah, le secours d'Allah, comprend la défense du dîn, de défendre la religion, la législation, des préceptes religieux. Si tu vois les préceptes religieux d'Allah bafoués, défends-les. Également des honneurs des gens. Si tu vois l'honneur d'une personne bafouée, défends son honneur. Ou également du sang d'une personne, défends-la. Et également de ses biens, car les biens du musulman, du musulman, sont sacrés. Et sache que ta parole sera élevée et acceptée si elle a pour but la défense de la vérité. En effet, une personne peut dire une parole de vérité, mais son but n'est pas la vérité. Elle veut juste s'élever soi-même, ou vouloir devenir quelqu'un, ou attirer les regards sur elle, ou attirer les gens vers elle. Si tel est le cas, elle fera plutôt partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sam'a sam'allahu bi, wa man yura'i yura'i allahu bi ». Man sam'a sum'a, c'est le fait d'œuvrer pour que les gens t'entendent. C'est-à-dire, par exemple, un groupe de gens est à côté de toi, tu parles, tu dis « J'ai donné tant de sadaqa aux pauvres, j'ai soldé tant de raka'a, etc. » Pourquoi ? Pour que les gens t'entendent. Sum'a. Wa man yura'i riya, l'ostentation est le fait d'œuvrer pour que les gens te voient. Donc le suma, c'est pour que les gens t'entendent, et riya, c'est pour que les gens te voient. Par exemple, tu sors, tu vois un pauvre et un groupe de gens, tu dis, ben, je vais sortir de l'argent pour qu'ils me voient. Ou peut-être, Yanni, tu voulais lui donner une certaine somme, mais vu que les gens te regardent, tu dis, ben, je vais lui rajouter plus. Donc c'est le fait d'œuvrer pour les gens. Cette personne-là, qu'aura-t-elle ? Elle aura le résultat inverse escompté. Elle a voulu qu'on fasse son éloge. Les gens le feront tout le contraire. Elles la blâmeront, la critiqueront et ne seront point reconnaissants de ce qu'ils ont vu d'elle ou entendu d'elle. Car si tu fais ça pour Annie, si tu œuvres pour les gens, pour qu'un tel te voit, t'entends, à la fin tu ne vois plus que les gens. Donc à nous d'œuvrer exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Et وقال الله تعالى فلما زاروا أزار الله قلوبهم. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Al-jaza min jins al-amal. Celui qui a voulu autre que la droiture qui a dévié, Allah a fait dévier son cœur. Al-jaza min jins al-amal. La rétribution est en fonction de la nature des œuvres. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Qui signifie celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui accordera en échange bien meilleur que cette chose-là. À titre d'exemple, quelqu'un qui aime trop la musique, elle écoute la musique, elle ne peut pas s'en passer, elle décide de la délaisser. Eh bien, Allah lui facilitera d'autres choses à la place. Elle lui fera aimer la lecture du Coran, la mémorisation du Coran, l'invocation d'Allah, écouter les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les jalsa de ilm, de science, talab al-ilm, d'accord ? Ou une autre personne, par exemple, qui aime trop faire yani, qui fume, et même d'ailleurs certains, même faire Ramadan, yani, à l'heure de l'adhan, ils ne peuvent s'empêcher de fumer, et certains même commencent par fumer une cigarette avant de manger. Ben un jour, elle décide de délaisser la cigarette. Pourtant, elle trouvait que la cigarette avait une saveur. Elle appréciait cette saveur-là. Allah lui fera goûter d'autres saveurs. Inch'Allah, elle lui fera goûter la saveur de l'ibada, de l'adoration. Et de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et la saveur de la foi, halawat al-iman, la douceur de la foi. Donne un autre exemple concernant le comportement avec les gens. Ta'amul ma'annas. Un hadith rapporté par Ibn Omar, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا تعيروا المسلمين. Ne raillez pas les musulmans. ولا تتبعوا عوراتهم. Et ne soyez pas à la recherche de leurs erreurs, à l'affût de leurs erreurs. فإن من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته. Car celui qui est à l'affût, à la recherche des erreurs de son frère muslim, Allah en fera de même avec lui. ومن تتبع الله عوراته يفدح ولو في جوف بيتي. Et celui qu'Allah Ali est à la recherche de César, yafdahu, il le démasquera, il le mettra au grand jour, même s'il se trouve au sein de sa demeure. Faljaza min jins al-amal. Tu es à la recherche, à l'affût des erreurs de ton frère, Allah yafdahu, il dévoilera tes péchés au grand jour. Faljaza min jins al-amal. La rétribution est en fonction de la nature des actes. Et dans ce hadith, il est question de ceux qui font ça, qui font cela juste par plaisir, ou pour propager le mal, ou pour rabaisser quelqu'un, ou autre comme mauvaise intention. Il ne concerne pas ceux qui font cela pour le bien de la communauté, celui qui prévient d'un mal ou d'un égarement, d'une innovation pour se préserver. Et à l'opposé, méditez bien ce hadith, rapporté par Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Il n'y a pas un serviteur qui couvre les fautes d'un autre serviteur dans ce bas monde sans qu'Allah lui couvre ses péchés يوم القيامة, le jour de la résurrection. Al-jaza min jins al-amal. Tout comme cette personne a couvert les péchés de son frère dans ce bas monde, Allah lui couvrira ses péchés fil akhir. Et ce hadith-là concerne yani quelqu'un qui est connu en bien, en piété. Mais s'il lui arrive de commettre un péché, le mieux est de le couvrir. Et qui ne pêche pas? Par contre, si cette personne-là est connue en mal et sème la corruption, on ne le couvre pas. Bien au contraire, il faut la dénoncer et la démasquer. Et dans ce hadith-là rapporté par Abu Hurayra, قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن من قربة من قربة الدنيا من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Celui qui dissipe la peine d'un croyant dans ce bas monde, Allah lui dissipera une des peines يوم القيامة, du jour de la résurrection. الجزاء من جنس العمل. ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Et celui qui facilite à quelqu'un en difficulté dans ce bas monde, Allah lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. فالجزاء من جنس العمل. Il est rétribué en fonction de ce qu'il a fait. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Comme nous l'avions précédemment, celui qui couvre les péchés de son frère dans ce bas monde, Allah lui couvrira ses péchés فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il est rétribué en fonction de ce qu'il a fait dans ce bas monde. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Et Allah aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Tu aides quelqu'un, Allah t'aide. Et cette chose-là, qu'elle soit yani en lui accordant du temps, ou du réconfort, ou un conseil, ou par exemple rembourser une dette pesante, ou lui effacer cette dette-là si elle te concerne, ou en l'aidant dans une tâche, ou en lui enseignant, les portes du bien sont très vastes. Un autre exemple concernant l'injustice. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Le prophète Sosam dit, d'après son Seigneur, rapport d'après son Seigneur, qu'il a dit, Man hada li waliyan, celui qui se montre hostile à l'un de mes awliya, de mes wali, de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Faqad aventu bil harb. Donc, si tu te montres hostile à un des wali, à un des bien-aimés d'Allah, c'est Allah qui te déclare la guerre. Et comme a dit l'imam al-Nawawi, والله تعالى إذا حارب العبد أهلك. Si Allah déclare la guerre à quelqu'un, il l'anéantit. Qu'espère donc cette personne-là si Allah lui déclare la guerre? Donc prends garde. Si un ou plusieurs se prennent à quelqu'un, s'en prennent à quelqu'un en pensant prendre le dessus par leur nombre ou autre, s'ils s'attaquent à un des walis d'Allah, azawajal, c'est Allah qui leur déclare la guerre. Et c'est Allah qui se chargera de défendre cette personne-là. Et il se peut qu'Allah azawajal placera un nombre de personnes encore plus grand qu'eux, et ils se retrouveront dans la situation envers son infériorité. Et prends garde également de t'attaquer à l'honneur des gens, car cela risque de t'arriver à toi. On peut s'attaquer à toi ou à l'honneur de ta famille si toi tu t'es attaqué à l'honneur de la famille d'autres personnes. N'escroque pas les gens, car cela risquerait fort de t'arriver également. Un autre hadith rapporté par Abi Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخي من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Celui qui a commis une injustice envers son frère, que ce soit dans son honneur ou autre, il faut qu'il s'en acquitte donc le jour, ce lium, c'est-à-dire maintenant, avant qu'il n'y ait plus de dinar ni de dirham, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'argent avant yom al-qiyam. In kana lahu amal salih, s'il a de bonnes œuvres, ukhidha minhu biqadr ma dhalamati, il sera pris de ses bonnes œuvres en fonction de son injustice. Wa in lam yakun lahu hasanat, et s'il n'a pas de hasanat, ukhidha min sayyiat sahibi, il sera pris des mauvaises actions de sa victime. On lui fera supporter en compensation une partie des péchés de sa victime. Donc, cet injuste-là, tout comme cet injuste-là a fait supporter le poids de son injustice fid-dunya dans ce bas monde à sa victime, il devra supporter le poids de ses fautes fil-akhira. Dans l'au-delà, el jaza ou min jins el amal, la rétribution est en fonction de la nature des actes. Tout comme cet injuste-là lui a fait supporter le poids de son iniquité dans ce bas monde, elle devra supporter le poids de ses fautes, de ses erreurs, fil akhira. El jaza min jins el amal. Donc, il faut bien prendre garde à l'injustice, car elle a des conséquences néfastes. Et il faut se comporter avec les gens comme tu aimerais qu'ils le fassent avec toi, comme l'a rapporté, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبْ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ » Yani, comportez-vous avec les gens comme vous aimez qu'ils se comportent avec vous. Est-ce que tu aimes que quelqu'un parle avec ta femme, ou avec ta sœur, ou que quelqu'un vienne la côtoyer, ou rigoler avec elle? Non, tu n'aimes pas cela. Cela t'énerverait. Donc, ne fais pas de même, car cela risque fort de t'arriver. Al-jaza min jins al-amal. N'oublie pas cela. Et méditez bien ce hadith-là. Un jeune est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit avinni bizina. Il lui a demandé l'autorisation de forniquer, de commettre la fornication. Les gens sont venus vers lui et l'ont réprimandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit approche-toi. Il s'est approché à côté de lui et lui a dit atuhibbu li ummik, est-ce que tu aimes cela pour ta mère? Il lui a dit non, bien sûr que non. Puis le prophète lui a dit wala nas yuhibbuna li ummahatihim, les gens non plus n'aiment pas cela pour leur mère. Puis il lui a dit est-ce que tu aimes cela pour ta fille? Il lui a dit non. Le prophète lui a dit et les gens non plus n'aiment pas cela pour leur fille. Puis le prophète lui a dit est-ce que tu aimes cela pour ta sœur? Il lui a dit bien sûr que non. Le prophète sallam lui dit, les gens non plus n'aiment pas cela pour leur sœur. Puis le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu aimes cela pour tes tantes, du côté de la mère ou du côté du père? La réponse fut la même, il a dit, non. Le prophète sallam lui a dit, les gens non plus n'aiment pas cela pour leur tante du côté maternel ou paternel. Puis le prophète sallam a posé sa main sur lui et a dit, Allahumma ghfir dhanba wa tahhir qalba, pardonne-lui ses péchés et purifie son cœur. Et préserve ses parties intimes. Puis, ce jeune-là ne voulait plus entendre parler de cette chose-là. Et dans une autre riwaya, dans une autre version, il n'y avait pas une chose qu'elle détestait plus que cela, c'est-à-dire la fornication. Donc, le prophète sallam lui a bien fait comprendre qu'il pouvait être rétribué selon son acte. Et lorsqu'il a compris cela, il a détesté cet acte plus que toute autre chose. Évidemment, si chacun de nous s'imagine dans cet acte sa mère, sa sœur ou sa fille, cela les répugnerait. Un autre exemple concernant la bienfaisance envers les parents, birr al-walidayn wasilat ar-rahim, et maintenir les liens de parenté. Vous savez que rompre les liens de parenté est un grave péché. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الرحم معلق بالعرش. Les liens de parenté s'accrochent au trône en disant من وصلني وصله الله. Celui qui reste lié à nous, celui qui nous respecte, qu'Allah reste lié à lui. الجزاء من جنس العمل. La rétribution est en fonction de la nature des œuvres. Celui qui garde les liens de parenté liés, Allah reste lié à lui. Tandis que ومن قطعني قطعه الله. Celui qui nous rompt, qu'Allah rompe avec lui. Tu as des enfants que tu aimes et tu négliges tes parents. Demain, ce sera tes enfants qui ont pour lesquels tu as sacrifié tes propres parents qui te négligeront et te délaisseront, comme tu l'as fait avec tes propres parents. Al-jaza min jins al-amal. En ce qui concerne l'argent, qu'Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Toute dépense que vous faites, il la remplace en bien. Ne crois pas que si tu donnes une sadaqa, tu fais une aumône, ton argent diminue. Bien au contraire, cela, yani, t'es compté, tu seras récompensé en bien. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد عن صدقة. Ni jamais une aumône n'a diminué la richesse d'une personne. Et le prophète صلى الله عليه وسلم rapporte d'un rapport d'après son Seigneur. Il dit أنفق يا بني آدم ينفق عليك. Dépense, Allah Azza wa Jalla dit, dépense pour les autres dans le bien. Et on dépensera pour toi. Al-jaza min jins al-amal. Si tu dépenses pour les autres, on dépensera pour toi. Juste rétribution. Et celui à l'opposé qui veut demander de l'argent, Allah lui ouvrira en échange la porte de la pauvreté et de l'indigence. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a chaque fois que quelqu'un choisit une porte de masala, le fait de demander de l'argent haute, Allah lui ouvre la porte de la pauvreté et de l'indigence. Dans le hadith rapporté par Abi Hurayra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour, il y a deux anges qui descendent. L'un des deux anges dit: donne à celui qui dépense une juste compensation pour ce qu'elle a dépensé. Quant au deuxième ange, il dit: وَيَقُلْ الْأَخَرَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. Quant au deuxième ange, il dit: Allah inflige une ruine à celui qui s'abstient de dépenser. Hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Celui qui est concerné dans ce hadith est celui qui s'abstient de dépenser dans ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. L'ange ne fait pas de dua, d'invocation contre toute personne qui s'abstient, mais contre celle qui s'abstient de dépenser ses biens dans ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Allah lui inflige une perte à lui et à son argent. Et cette ruine, cette perte, en arabe talaf, est de deux sortes. La première, ici, concrète, palpable, de sorte qu'une perte est infligée à son argent, un fléau peut venir et brûler son argent, ou il peut se le faire voler ou autre. La deuxième, ma'anawi, le sens est que là, la baraka, la bénédiction, est ôtée, enlevée de cet argent. Et toi, tu attends la récompense dans la rajouel, fil akhira, dans l'au-delà, et sache que tu auras ce qu'il t'a promis, fil dunya. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yastaghni yughnihi Allah. Celui qui se passe des autres, Allah le met au-dessus du besoin. Celui qui ne demande pas aux autres, Allah lui donnera de quoi se suffire et il sera au-dessus du besoin. Al-jaza min jins al-amal. Et à l'opposé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة اللحم. La personne ne cesse de demander jusqu'à qu'elle ne vienne le jour du jugement sans qu'elle ne rencontre Allah et elle n'a dans son visage aucun morceau de chair. Donc, comme cette personne-là a pris à demander quelque chose de chair aux gens, il lui sera pris quelque chose de chair. C'est-à-dire la chair de son visage. Elle viendra sans aucun morceau de chair sur son visage. Al-jaza min jins al-amal. Donc, telle était la da'wa des prophètes. Ils donnaient et ne demandaient pas. Allah Ta'ala, wa ma as'alukum alayhi min ajr, in ajri illa ala rabbil alamin. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Fi janib tawadu. En ce qui concerne l'humilité, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Toi, tu peux être supérieur à quelqu'un et te rabaisser pour Allah, mais ce n'est pas en t'élevant au-dessus des autres. Certains pensent en effet qu'il faut être orgueilleux, hautain, pour être élevé. Non, ce n'est pas comme ça que tu seras élevé. C'est Allah qui élève et rabaisse. comme Allah Azza wa Jalla dit, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُذِلُّ مَنْ تَشَى. Donc il faut se rabaisser à Allah. Et Anis, c'est la traduction, tu élèves qui tu veux et tu rabaisses qui tu veux. Et du côté de la douceur et de la rahma, rahma, wa rifq, la douceur. La douceur, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. Allah est doux, il aime la douceur dans toute chose. Est-ce que tu aimes qu'on te traite avec dureté? Est-ce que tu aimes être agressé? N'en fais pas de même avec les gens. Non, tu n'aimes pas cela. Car Allah peut te placer sur ta route quelqu'un qui sera plus dur que toi et qui t'agressera comme tu l'as fait. Donc tu ne peux pas contraindre les gens. Use de douceur, montre la vérité et utilise de bonnes paroles. Essaie de comprendre la situation des gens. Fais-leur des deux A. Rifq, yani, est une chose, yani, si tu uses de dureté, cela ne fera que fuir les gens. En ce qui concerne, enfin, الدعاء, l'invocation. عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. Tout musulman qui fait une invocation en faveur de son frère alors qu'il n'est pas au courant, il y a un ange qui dit et lui de même, accorde-lui de même. Rawa Muslim, rapportez-moi Muslim. Donc à chaque fois que tu fais une dua pour ton frère sans qu'il ne le sache, sache qu'il y a un ange qui fait la même invocation en ta faveur. Si tu fais une invocation pour ton frère qui est malade, sache que cet ange-là te fait la même dua, la même invocation pour toi. Si tu fais une invocation pour la guider de ton frère, il y a un ange qui fait la même invocation en ta faveur. Si tu fais une invocation pour qu'Allah accorde une femme pieuse, des enfants pieux à quelqu'un, il y a un ange qui fait la même invocation en ta faveur. Pour l'idée de ce thème, je me suis inspiré d'une khutbah de Shir Yahya, rahimahullah wa ta'ala. En guise de conclusion, il faut voir loin et faire attention à nos actes, car nos actes ont des conséquences, des répercussions, un impact. Donc à chacun de voir quelle vie il a envie d'avoir. En effet, elle dépendra de nos actes. Et il faut se concentrer sur celle de l'au-delà, car elle est, comme Allah Azza wa Jal dit, « وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابَقَى » Elle est meilleure et plus durable. والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك